procéder pour la période de questions. Je vais revenir un peu sur ce que j'avais commencé à dire, parce que ça m'intéressait énormément. Ça doit en avoir intéressé d'autres, parce qu'il y a des questions. Ou c'était pas clair, ou c'était pas complet, ou c'était clair, puis il y a d'autres questions. Il y en a beaucoup. Alors, de quelle façon l'être humain qui est en début de contact supramental peut arriver à s'enligner pour manipuler le manipulateur? Il y a énormément de personnes qui ont écouté mes conférences depuis un peu plus de 4 ans. Certaines choses à travers les conférences se répètent. Manipuler le manipulateur, ça se répète. C'est clair ce soir. La seule chose qu'il y a, c'est que inconsciemment, l'humain fait bien les choses. Et nécessairement, toutes les forces astrales ont des lois. Et lorsque l'on veut manipuler les forces astrales, le manipulateur, les dieux, on doit procéder avec les mêmes lois. Et la nuance, la subtilité, le discernement qui est essentiel, c'est d'arriver à décoder quand est-ce que des humains fonctionnent intelligemment avec les lois ou quand est-ce que les humains fonctionnent manipulés astralement avec les mêmes lois. À un moment donné, des gens s'unissent pour prier, pour être sauvés. À un moment donné, des gens s'unissent pour prier, pour faire plier quelque chose. À un moment donné, des gens s'unissent et veulent bâtir un paradis spirituellement. Ils ne sont pas capables de supporter émotivement les conditions évolutionnaires de notre planète. Au même moment, d'autres humains s'unissent pour aussi créer quelque chose d'intelligent. Mais ils ne sont pas assujettis à leurs émotions. Dans l'apparence, tout semble pareil. Alors, ceux qui condamnent facilement condamnent tout. Laisser la porte de notre évolution fermée aux erreurs, c'est garder les réussites dehors aussi. L'être humain doit se risquer. Si des êtres humains s'unissent ensemble, décidant de faire en sorte qu'étant donné qu'ils sont pris par de l'intelligence et de l'astral, qu'ils sont des êtres et des animaux, qu'ils comprennent l'intelligence d'eux mais ne peuvent pas, ben, si ceux-là s'unissent ensemble dans le but de créer quelque chose qui va venir mettre des ficelles pour aider à ce que la main passe par là, nécessairement ils vont réussir. Pas du jour au lendemain. Il y aura un seul point sine qua non qui n'a jamais été atteint jusqu'à date au Québec. C'est que ceux qui vont décider de travailler pour bâtir une structure astrale et un égrégore mental dans le monde de la mort, pour engendrer des canaux mentaux, pour aider ceux qui ont de l'intelligence à finir par avoir assez de force pour aller du côté de l'intelligence et là intentionnaliser les choses, réussir. La majorité des êtres humains qui ont pensé travailler là étaient toujours manipulés à ne pas savoir s'ils travaillaient là ou pas. Alors finalement, les cordes qui manipulent l'intelligence humaine entre l'astral et l'intelligence, si on veut les renforcer du côté de l'intelligence, il faut que les êtres humains qui font un choix d'intelligence ne fassent pas un demi-choix où chaque matin ils savent plus, puis ils remettent en question, puis ils se demandent si c'est une secte, puis ils se demandent si ils se font fourrer, puis ils se demandent si on réussit, puis ils se demandent si ceci ou si c'est cela. Mais veut pas, l'humain est manipulé par les deux cordes, et l'humain fera toujours cette question. C'est pourquoi jusqu'à date au Québec, on n'est pas encore arrivé à former des forces réelles d'humains en fonction de résultats intelligents. Que ce soit en affaires, que ce soit dans n'importe quoi, c'est ce qui manque. Un choix atterri, une décision prise. La seule façon d'arriver à avoir un libre arbitre, c'est de devenir des êtres intelligents. La seule façon de devenir des êtres intelligents, c'est de démolir, de transmuer, de désénergiser, de tuer, de détruire, mettons le mot que l'on voudra, tout ce qui chez nous fait référence à de l'émotivité. L'émotion est la pire merde de l'être humain intelligent. L'être humain qui a de l'émotion n'est pas un être humain, c'est un humain, au mieux. Un animal humain, dans la majorité des cas. L'émotion, c'est quelque chose qui est vénéré par l'homme. Parce que l'émotion, ce sont les cordes qui attachent l'homme au bâton. Et le bâton fait en sorte que l'homme vénère la corde. L'émotion, c'est la chaîne qui attache l'esclave à son poteau. Chaque fois qu'on vénère l'émotion, c'est l'esclave qui frotte sa chaîne et qui la répare lorsqu'elle commence à s'user. L'homme va poser la question, si on n'a pas d'émotion, comment on peut vivre? Vivre d'un amour intelligent. C'est pas une émotion, c'est un sentiment. Alors, de quelle façon on doit s'arranger pour fonctionner entre nous de façon à arriver à avoir un libre-arbitre, laisser au maximum l'intelligence exprimée par notre corps physique, par notre voix, par notre système neuronique et endocrinien, par notre parole, par notre action. Et pour cela, plus on va la laisser s'exprimer, plus elle s'exprimera. Plus on sera d'humains qui voudront pousser ou tirer dans la même direction, même si on s'enfarge, même si on se casse la gueule, même si on tombe dans la terre, même si on se salit. Continuons à tirer. Parce que l'avenir est en direction de l'intelligence. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, les cordes d'intelligence se grossissent, tandis que les cordes astrales s'amenuisent. Les êtres humains qui vont venir tirer avec nous vont augmenter, tandis que de l'autre côté, ceux qui passent vers notre bord diminuent leur nombre. Mais bien souvent, à l'humain, au premier petit échec, ou parce qu'il s'était attendu à ce qu'en 2 mois ou 2 ans, ça commence à bouger, surtout qu'il avait toujours gardé un pied sur le quai, un pied sur le bateau, un équilibre absolument instable entre le regret et l'oubli. L'être humain qui veut avoir un libre-arbitre doit décider de foncer. On a une vie, apparemment, pour l'instant. On est du moins dans celle-ci. Prenons des risques. Attendons pas de plus être capable d'en prendre. Quand le mouvement est amorcé, il n'y a plus de recul possible. Quand le mouvement est amorcé pour toi, oui. Mais un mouvement de groupe, ce qui va arriver, c'est que le mouvement de groupe est amorcé, mais chaque individu n'a pas nécessairement amorcé son mouvement individuel. Fait que comme chaque individu peut reculer, le mouvement de groupe est à peu près toujours instable. C'est ce que j'explique, c'est ça qui est le problème. Chaque individu décide de ne peut plus reculer. Si maintenant il s'associe, le groupe ne peut plus reculer. Puis le groupe, si tu as 3, si tu as 2 individus, tu as 10 puissances. Si tu as 4 individus, tu as 100 puissances. Ce n'est pas proportionnel au nombre d'individus. Il y a une proportion qui est exponentielle, qui fait que plus on est d'humains, plus la puissance grandit. Et pour cela, il faut que chaque individu ait fait un choix d'intelligence, le choix de dire, bon, ben puis là, merde, je ne recule plus. J'ai commencé à voir, bien, m'a voir. Puis je ne me suiciderai pas, puis je ne mourrai pas, m'a voir. On m'audrera la vie, mais moi, je ne m'allôterai pas. Je veux voir. Avec et plus lui. Je vois, plus je vois des choses croches, plus je vois de l'absurdité. Je vais continuer à voir. En sachant au départ qu'il y a des possibilités d'échec, de problèmes, de... Continue à voir, rampe à terre, va dans la boue, reste un être humain. Puis un jour, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre à deux, vous ferez chacun 2 béquilles, vous accoterez. Puis vous continuerez à foncer. Quand l'être humain aura fait son choix, les petits groupements vont devenir des puissances extraordinaires. Et puis là, ce que tu voudras faire, tu as besoin d'argent, tu es capable d'aller en chercher. Tu as besoin de temps, tu es capable d'aller en chercher. Tu as besoin d'une santé, tu es capable d'aller la chercher. Tu as besoin de, tu vas être capable d'aller le chercher. Ce n'est pas une question d'ego. L'humain va dire, oui, bien justement, ça nous tente. Non. C'est intelligent que vous l'ayez. Oui, ça n'a même pas besoin de vous tenter. Si c'est intelligent, tu n'as pas besoin d'aimer ça. C'est suffisant, c'est intelligent. La santé, c'est intelligent. Pas besoin de vouloir être en santé. Pas besoin de désirer être en santé. Pas besoin de ne pas aimer ça être malade. C'est intelligent d'être en santé. L'argent, c'est intelligent, ça te donne du temps, ça te permet de voyager, d'apprendre, de faire un paquet de choses, de créer, de te libérer de la sainte matière. Bien, c'est intelligent. Pas question d'avoir de l'insécurité, d'avoir un désir, tu n'as même plus besoin de ça. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir se regrouper pour faire ça? Quand l'humain va être capable de vivre d'un peu plus d'amour intelligent, quand l'humain va avoir suffisamment souffert tout seul à vouloir traîner sa corde tout seul, il va finir par commencer à se grouper. C'est débutant au niveau du Québec, mais c'est réellement embryonnaire, mais nécessairement, ça peut augmenter, c'est exponentiel. De toute façon, il y a une phase clé qui est l'amour intelligent. Je crois que la semaine prochaine, c'est le sujet de la conférence, je ne suis pas sûr, mais de toute façon, on va en faire une. Dans une semaine, si c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre. Mais c'est... Alors, on pourra revenir. Alors, okay. On attaque les questions. On y va pour les questions. Il y en a qui étaient là au début, qui sont peut-être en référence à d'autres conférences. Si Dieu est obligé d'être libre, il n'est plus libre. Comment résoudre ce paradoxe? Parce que Dieu n'est pas libre pour compliquer. Qu'est-ce que l'inévitable? C'est inévitable, je ne peux pas y répondre. L'inévitable, c'est simplement une chose qui est déjà passée, qui s'est déjà accomplie. Et l'inévitable n'existe que par rapport à l'évolution de l'animal humain et de l'humain. L'inévitable existe parce qu'il n'y a pas de libre arbitre dans les conditions évolutionnaires de l'homme. Et l'inévitable n'existe plus lorsque l'intentionnalité, l'intelligence commence à descendre chez l'homme. L'inévitable, c'est simplement lorsque je tire une balle de fusil en direction d'un animal humain ou d'un humain, la balle de fusil le traversera. C'est inévitable. À l'instant où la balle est sortie du canon, tout était enclenché. Le temps gestuel de l'individu n'est pas le même temps que l'évolution de la balle de fusil. La balle de fusil est allant plus vite que le son. De toute façon, elle va traverser l'humain. Chez un être humain, c'est inévitable aussi. La balle va traverser l'être humain et l'être humain ne sera même pas. Autant dire que la balle l'a manqué. La force s'est perdue dans la forme. Pourquoi dire que l'homme n'est pas perdu alors qu'il s'est lui aussi perdu dans une forme? Ce sont des jeux de mots intéressants. La force est perdue dans la forme, ici et ça. L'homme n'est pas perdu, l'homme sait. L'homme ne peut pas. Il sait, mais il ne peut pas. Il y a une nuance majeure entre pouvoir et savoir. L'homme sait que telle chose devrait être faite. L'homme sait que la maladie est stupide, mais est encore malade. C'est pas parce qu'il est perdu. C'est qu'on est confiné dans des véhicules extrêmement lents, qu'on appelle matériels, dont la vibration énergétique est extrêmement basse. On est loin d'être perdu. On est endormi. Mais on n'est pas perdu. Ou si vous préférez, on est perdu en plein là où on doit être. Par hasard. Par hasard. Est-ce que l'astral serait le jello et la matière le frigo ou la forme se moule? À quoi sert le monde de la mort? Il y en a trois questions. Le monde de la mort, ça sert à conserver toute la structure mémorielle de l'expérience évolutionnaire de notre planète. Le monde de la mort, ça permet la gestion des dieux, ça permet la gestion des âmes, ça permet le phénomène réincarnationnel, ça permet à travers un véhicule temporel qu'on appelle l'espace-temps, de pouvoir conserver l'évolution de la matière dans un réceptacle qu'on appelle la mémoire. Le monde de la mort, c'est cela. Qu'est-ce qui contribuait à l'entretenir au 16e siècle? La femme. Ça s'appelait comment? Le maquillage, les souliers talons hauts, les corsets souffrants, l'atropine dans les yeux pour dilater les pupilles, les colorants cheveux ont commencé à apparaître. Il y avait les coiffures aussi grosses que le maison. Qui sortait la tête par la fenêtre? Le derrière aussi. Et ça a extrêmement été poussé par certains humains, en l'occurrence le comte de Saint-Germain, qui a inventé la majorité de tout le système cosmétique que la femme européenne, entre autres, a commencé à se mettre. Et c'est ça qui a nourri énormément le monde de la mort du point de vue des facteurs émotifs. Comment ou par quel moyen pourrait-il être dissous? Le monde de la mort va être dissous lorsque l'être humain va être suffisamment, j'en ai parlé lors des dernières conférences, lorsque l'être humain va être suffisamment puissant pour être capable de supporter de plus en plus de souffrances au niveau de son âme, lorsque l'intelligence va venir fractionner son ego, le monde de la mort va commencer à se dissoudre. Ça va se faire, ça va commencer réellement, disons honnêtement, ça va commencer dans les 500 prochaines années, quoique c'est quelque peu commencé présentement, mais il y aura encore des situations qui vont nourrir le monde de la mort d'une façon relativement implacable dans les 50 années qui viennent. Du petit au plus grand, tous sont matériels. Le petit vole au-dessus pour, avec plus le plus gros ou grand, il le fait lui aussi, mais différemment. Où est l'intelligence? Sachez une chose, c'est que quand l'être humain pose certaines questions où il va demander où est l'intelligence, en réalité, il veut découvrir où peut être la projection de ce qu'il lui croit comme étant de l'intelligence dans la chose. Par exemple, dans les pays sous-développés, ça meurt de faim régulièrement. Où est l'intelligence? Bien, c'est très intelligent. C'est génial. C'est génial que l'Irak et l'Iran se battent. C'est génial, la Deuxième Guerre mondiale. C'est génial qu'en Éthiopie, on crève de faim d'année en année, régulièrement. C'est génial. Pourquoi? Parce que l'être humain meurt. Et lorsqu'il meurt dans le monde de la mort, il se fusionne. Se fusionnant, il se digère. Se digérant, des millions d'êtres humains finissent par se réincarner dans des milliers d'êtres humains. Ces milliers d'êtres humains-là, s'ils vivent les mêmes conditions expérientielles, vont mourir. Et dans le monde de la mort, ayant vécu les mêmes conditions de vie, vont se fusionner. Les milliers d'humains vont se réincarner dans des centaines d'humains. Et lentement, à la longue, les vieilles races sont récupérées au bénéfice des races neuves et les personnalités réincarnationnelles qui vont se réincarner lorsque les corps physiques de la race qui les a créés n'existera plus ou pas assez, vont devoir se fusionner, ça va prendre un laps de temps, à des races plus solides. Les vieilles races meurent. L'Inde va mourir. L'Éthiopie, ce sont des vieilles races. Et pourquoi ils souffrent régulièrement les mêmes choses? C'est parce qu'ils doivent avoir dans leur constitution amique la même trame d'expérience. Alors, dans le monde de la mort, ils sont tellement pareils, ils se fusionnent. C'est intelligent et génial. Sauf que du point de vue de l'Éthiopien, ce n'est pas intelligent. Il n'a d'abord qu'à se muter, qu'à se transformer et à devenir un récepteur de réincarnation. Et du point de vue de ceux qui vivent ici, ce n'est pas intelligent. Il y a énormément de choses qui semblent inintelligentes parce que l'être humain a beaucoup de data en moins. On a quelqu'un ici qui dit qu'il n'est pas libre de travailler, qu'il doit payer les taxes, qu'il doit manger. Mais est-ce que je n'ai pas le choix de choisir où travailler, quoi manger, de non. vivre dans tel pays ou tel autre? Non, l'individu va dire « je choisis de te travailler dans tel emploi ». Il ne choisit même pas s'il travaille ou pas, s'il ne veut pas travailler, il est fait. En plus, il faut qu'il aille dans un emploi où ce qu'on va lui dire « oui, monsieur, on a de l'emploi pour vous ». Sinon, il aura beau choisir, on va dire « non, monsieur, pas d'emploi pour vous ». En plus, il va falloir qu'il choisisse un emploi qui existe. Il ne pourra pas choisir un emploi. Tiens, moi, ma tête, nettoyeur à bord d'une navette spatiale, ça n'existe pas. Il n'y a rien à faire, il ne pourra pas. Ce n'est pas du libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est de faire ce que l'on veut. Lui, il veut ce qu'il peut. C'est pas pareil. S'il n'y a pas de libre choix, qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle est la raison de vivre? S'il n'y a pas de libre choix, faut-il une raison pour vivre? Hein? L'être humain cherche toujours l'intentionnalité et l'idée. La théologie enseigne que Dieu s'est ennuyé à mourir, il a créé l'homme pour pouvoir le regarder faire. Puis quand l'homme pur et parfait arrive, à la fin des temps, il va tous les ressusciter dans le corps physique. On était une gang de la planète. Et puis, non, c'est vrai, l'humain est mauvais. Mais là, ouais, gang, 144 000. Alors, il va en ressusciter une coupe. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va jouer au pool avec eux autres? Il va s'ennuyer autant. Alors, il y a un problème là-dedans. Pas libre de travailler, alors ça va sur le bord. Le choix, libre arbitre, etc. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle est la raison de vivre? La raison de vivre, la première raison de vivre, c'est que nous vivons. C'est une raison mécanique. Nous sommes là. Raison ou pas, nous y sommes. La personne se dit, bon, ben moi, je me tue, j'y suis plus. Non, mais tu vas être mort. Et quelle est la raison d'être mort? Il n'aura pas plus que d'être vivant. Tu seras mort. Si tu te réincarnes, quelle est la raison de se réincarner? Apparemment, il n'aura pas plus. Pour comprendre la question ou la réponse, on doit s'éloigner encore une fois du contexte de l'homme et avoir une vue cosmique des choses. L'homme a un rôle fondamental, celui de détruire l'univers. C'est le rôle de l'homme. Maintenant, l'être humain qui vient au monde sur le plan planétaire vient pendant un laps de temps très limité, échelonné sur quelques 60 ou 70 rotations de la planète autour de son soleil, dans l'apparence, il vient ici et il transporte, il colporte, il manipule un corps physique. Ce corps physique-là, c'est lui qui est important, je l'ai expliqué souvent, donc je ne me tirerai pas trop, j'ai fait quelques conférences là-dessus, on y revient toujours à un moment donné. Et le corps physique, c'est ça qui est important. Le corps physique, votre corps physique, cosmiquement, on le veut. Vous qui êtes dedans, vous êtes là simplement pour le promener. Vous sécrétez des hormones par l'expression émotive et vous le muez. Vous le rendez plus solide, plus fort. Vous le transmettez à vos enfants. Vos enfants vivent aussi et transmettent un corps plus fort à leurs enfants. Et de génération en génération, les corps physiques deviennent de plus en plus solides. Jusqu'au jour où l'intelligence va venir posséder le corps physique, c'est ce qui commence à arriver lorsqu'on parle de cordes qui nous tirent d'un bord puis de l'astral qui nous tire de l'autre bord. Ce qui manipule le corps physique chez l'animal, c'est une chose qui devra disparaître. À quoi ça sert de vivre? Du point de vue de l'ego, du point de vue de l'âme, vous vivez pour vos corps physiques. À quoi ça sert de vivre du point de vue du corps physique? Mais le corps physique, vous, les corps physiques, vous êtes des réceptacles d'énergie. Et à quoi ça sert de recevoir de l'énergie? À réparer une connerie. Et la connerie, c'est la création, qui est un accident. À un moment donné, on pourra revenir, mais des choses que je couvre surtout en séminaire. L'être humain, lui, est intentionnel. Il n'est pas accidentel. Il a un rôle, ramener tout vers le centre source. La théologie dit « retour vers Dieu ». Un autre des déités placées beaucoup plus haut, un créateur. Ramener tout vers avant la création. Et lorsque l'homme aura fini, l'univers n'aura jamais existé. Parce qu'il n'y aura jamais eu de temps ni d'espace. Là où nous allons aller, ou là d'où nous venons. Or, le rôle de l'homme, à quoi ça sert de vivre, en termes de microbes, ça ne sert pas à grand-chose. Mais nous avons un rôle cosmique, pas simplement un rôle de prédateur, manger du bœuf, du poulet. C'est justement là qu'on arrive. Le petit insecte se fait manger par le plus gros animal, le petit animal se fait manger par un plus gros, l'homme mange l'animal, l'homme se décompose, les vers, les oiseaux, etc. Pourquoi cet éternel recommencement? Mais ce n'est pas un éternel recommencement, ça n'a jamais cessé, c'est pas, ça ne recommence absolument pas. Vois-tu, il paraît que là, bien longtemps, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont marché quelque part dans un jardin, puis ils se sont frappés. Là, ils ont fait des zigoudis. Non, ils sont connus. Alors, ils sont connus bibliquement, et puis ils ont eu un enfant. Un deuxième, etc. Ils sont amusés. Il n'y a pas de télévision, ils en ont plus que deux, mais on... ça n'a pas compté, ça, on est quand même. Et puis, Adam et Ève sont morts, capote. Les enfants étaient vivants. Mais les enfants, leur vie, ils l'ont pris où? Dans le parent. C'était la même vie. Puis eux autres capotent, puis capotent, puis capotent, puis nous autres ici maintenant. Il n'y a rien qui a arrêté. C'est une la vie a continué continuellement. La vie a traversé la matière. La forme matérielle qui supporte la vie à l'âge de temps, elle tombe. La vie est dans un autre enfant. Ça tombe. La vie n'a jamais changé. Ce qui m'anime et ce qui vous anime présentement, l'impulsion qui a fait marcher vos cerveaux et vos cœurs, c'est la même impulsion qui a fait marcher les hommes des cavernes, les australopithèques en descendant. C'est la même impulsion qui s'est communiquée. Ça n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu d'éternel recommencement. Dans notre visuel idiot, on voit un maringouin se faire bouffer. Mais la matière du maringouin, la vie du maringouin, elle reste dans le prédateur. Et puis le prédateur, il pond des œufs. Ou bien, il est poisson ou insectivore ou oiseau. De temps en temps, ça peut être un chien, un chat ou un humain. Une canne de raid. Canne de raid, là, disons que là, c'est autre chose. Il y a moins de prédateurs. Mais ils t'ont eu, ils ont mis en masse d'insectes. Ouais. Ils ont mis en masse d'insectes. Lentement, la vie se perpétue et en plus, la mutation génétique fait que tout ce qu'un corps physique semble perdre en mourant, c'est légué aux enfants. Je ne ressemble pas à un australopithèque. Vous autres non plus, la majorité. Je parlais de... C'est correct. Passons. Alors, on ne ressemble pas aux australopithèques ou aux autres, on ne ressemble même pas aux personnes du Moyen-Âge. Parce que justement, tout ce qui s'est ramassé, tous nos ancêtres sont présentement présents dans votre corps physique, ainsi qu'au niveau de l'âme. Il n'y a jamais eu d'éternel recommencement. Jamais. Sinon, on serait encore des dinosaures. Donc, il y a eu une continuité et non pas un recommencement. Non. On voit des fois des insectes qui laissent leur carapace après une branche. Les scorpions. Les autres, ils sortent de là. C'est un peu le même phénomène, finalement. C'est quelque chose du genre, mais on voit surtout, ça te plaît ça, mais c'est une mémoire qui revient, mais on voit surtout les parents donner naissance à des enfants. Oui, ça arrive aussi. Regarde encore, les bœufs qu'on mange. On a tué le bœuf, on a tué la vache, et puis après ça, on prend le veau, puis on le tue, puis on prend son veau, puis on le tue, puis on prend son veau, puis on le tue. Ça fait combien de fois qu'on mange le même bœuf? Alors, si c'est un éternel recommencement, il faut que ça arrête quelque part, mais ça n'a jamais arrêté quelque part. Ça a toujours continué, puis on a mangé un bœuf qui est immense, trop gros pour être la planète, fait qu'il a été créé en petit bœuf, de génération en génération. Puis là, on mange les bœufs, c'est bien plus pratique. Tu vois-tu mettre un bœuf de ce grand-là dans ton frigidaire? Alors, tu mets un petit bœuf de 1 500 livres, puis il y a des petits, puis on en mange de la viande, ça en fait des bœufs que je mange. Ouais. Puis ça en fait du blé puis du pain que je mange. Mais ce n'est pas un éternel recommencement, c'est une continuité. Si tu demandes à Dieu, tu demandes un morceau de bois, d'accord. Mais si tu t'adresses au Père dans les cieux, est-ce vrai ou une illusion? Bon, la question, elle est originale. Si tu t'adresses au Père dans les cieux, premièrement, les cieux, ça n'a rien à voir avec le ciel. La première partie des cieux, c'est le plan supramental. S'adresser au Père dans les cieux, cela veut dire que l'ego de l'homme, c'est lui qui doit s'adresser au Père. On ne s'adresse au Père qu'avec de l'humilité, pas avec de la négoïsation. L'ego s'adresse au Père avec de l'humilité, et lorsque l'ego s'adresse au Père, s'il demande au Père, « Père, je veux faire ta volonté », nécessairement le Père va répondre, « alors que ta volonté soit faite ». Lorsque l'on parle au Père, le terme « Père » fait référence à la partie supramentale au niveau de ce que le Nazaréen a amené, fait référence à la partie supramentale qui descend dans l'homme. Et c'est l'ego de l'homme qui s'adresse à cette partie. Alors, il ne peut pas le prier, en ce sens qu'il ne peut pas lui donner d'ordre. Quand on prie un Dieu, c'est pour lui donner un ordre. Mon Dieu, bon là je le prie, j'aimerais avoir ceci, je veux cela. Quand je te dis, donne-moi de l'eau, je te prie. Ça veut dire, ouais, des niaises. On dit, s'il vous plaît aussi. Si ça te plaît, en réalité, si je suis poli, que ça te plaise ou pas, j'ai été poli depuis le choix. Bon. Le Père dans les cieux, ça ne se prie pas, par contre, ça se parle. On peut parler avec. Mon Père dans les cieux, moi, ça va mal. Disons, quand je refroidis, je peux parler de mon Père dans les cieux. Du point de vue de l'ego, tu peux parler à ton Père dans les cieux. Et ça sera exclusivement pour lui poser des questions dans le but d'avoir des réponses. Est-ce que tu auras ces réponses? Oui. La personne qui ne prie pas et la personne qui parle honnêtement à son Père dans les cieux, elle va parler à la partie descendante de son ajusteur de pensée. Le 95% qui est resté en haut? Non, le 5% qui descend en bas. Pourquoi sommes-nous ici puisque nous n'avons rien à décider? Sommes-nous ici, je ne sais pas si c'est sommes-nous ici ou sommes-nous sur la planète, mais j'aimerais ça que tu répondes aux deux. Pourquoi sommes-nous ici puisque nous n'avons rien à décider? La question est posée par la psychologie, par l'âme, par l'ego, le « je ». Le « je » est encore acheté un collectiviste, sommes-nous. L'ego est ici, dans la salle de conférence, exclusivement parce que le corps physique a besoin de l'énergie que je dégage. Deuxièmement, exclusivement parce que l'ego est manipulé par une bribe d'intelligence et l'ego a besoin d'apprendre des choses neuves qui vont venir briser des formes, engendrer de l'énergie, ce qui permet d'engendrer d'autres petits canaux. Maintenant, je ne suis pas le seul sur la planète qui fait cela, mais on pose la question, disons, pourquoi êtes-vous ici? Alors, ceux qui sont ici pour ça. Deuxièmement, pour qu'on est sur la planète, tout à l'heure je l'ai expliqué, du point de vue de l'ego anime le corps physique de façon que le corps physique ne reste pas assis sur sa bûche à attendre la fin de l'inutile. Alors nécessairement, il y a une âme, un anima qui va l'animer, et l'âme doit avoir l'illusion d'être intentionnelle, d'avoir du libre-arbitre, de façon à être capable de supporter le poids psychologique de son esclavage dans le corps physique. Lors d'une conférence, ça dit qu'un être humain qui est limité financièrement est un être humain qui tire de la patte. Et que la personne qui change ou qui se place dans des champs de prise de conscience devrait s'arranger d'être de plus en plus financièrement riche. Tu indiquais alors qu'il y aurait des moyens au niveau du centre qui permettraient d'instruire l'humain à ce sujet. Quels sont-ils? Depuis 2 ans, il y a un travail intense qui se fait au niveau du centre, justement, pour permettre à ceux qui ont une conscientisation de cesser de souffrir du fait de se conscientiser, et de devenir aussi de plus en plus libéré de la matière, donc d'avoir un potentiel financier. À travers les expériences qui ont été tentées, une chose est apparue, c'est qu'il y a énormément d'humains, et quelques milliers entre autres, qui devront devenir des martyrs de la transition. Et normalement, bien souvent, les premiers à passer deviennent ce genre de martyrs. La quantité de martyrs est presque complète au niveau du Québec, ce qui devrait nous laisser un peu plus de lousse. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à travers les expériences, une chose est apparue, celui qui se conscientise ne peut pas travailler avec d'autres qui se conscientisent. C'est qu'il a énormément altéré le travail qui devait se faire en fonction de permettre aux êtres humains qui se conscientisaient de travailler ensemble pour parvenir à être un peu plus libres financièrement. Présentement, la majorité des êtres humains qui ont été certains des prédateurs de conscience, d'autres des précurseurs, certains s'en sortent. Et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à retourner autour des structures qu'on avait voulu instaurer pour pouvoir réengendrer des mécanicités financières, des mécanicités évolutives un peu plus libérales. Alors, je ne peux donc pas en parler pour l'instant parce que, vous savez, comme tout à l'heure, j'ai expliqué, si le coco en haut, c'est tout, ça complique les choses. Il y a des personnes qui travaillent encore sur ces choses-là, qui investissent plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le but de créer certaines cellules ou certaines structures. Et puis, à un moment donné, ben, en temps et lieu, quand ça sera le temps, on pourra aussi en parler. Il y a une chose qui est essentielle et qui semble plate, c'est que les individus, pour travailler au niveau de ces structures-là, doivent avoir fait mon séminaire, le séminaire de fin de semaine que je donne. Pourquoi? Pas parce que c'est question d'argent. Le séminaire vaut beaucoup plus que le prix que le centre le vend. Simplement parce que les personnes qui doivent travailler ensemble doivent avoir une connaissance et un langage similaire. Ils doivent aussi travailler au niveau d'une parole ajustée. Simplement, c'est que si on veut travailler en conscientisation, on doit s'arranger pour travailler avec de l'élite au maximum. L'élite, on peut le prendre sur la paille, donc, dans la société, mais l'élite, on peut aussi la former. Mais nécessairement, l'élite qui devra être formée devra être une élite potentielle. Et beaucoup de personnes vont dire, « Ouais, mais c'est ça, c'est con parce que vous n'adressez plus à la masse. » On s'adresse toujours à la masse. Sauf que les pointes, les puissances qui pourront les premiers traverser, ce ne sera pas la masse collective. Ce sera l'élite dans la masse. Alors, on est ouvert à former de l'élite. Il y a des structures de cours qui ont été instaurées il y a quelques années, qui ont été remaniées, qui ont été rechangées et qui finalement devront être réinstaurées comme ils étaient avec les rajouts. En l'occurrence, le programme Être contrôleur. Et lorsque certaines élites auront finalisé la preuve que c'est le temps que ceux qui se conscientisent peuvent travailler ensemble sans se piler ses pieds, bien on pourra recommencer à reparler des structures. Et comme dans n'importe quoi, si on décide d'embarquer, il faut embarquer. Ça veut dire que si on décide d'embarquer, on doit débarquer du reste. Pas embarquer dans le centre. Mais tu décides d'embarquer dans l'évolution. Manipuler le manipulateur. La programmation de mémoire d'intervention est une chose qui est géniale. Il y a différentes techniques PMC qui permettent à l'humain d'arriver à le faire. Si on veut, bon, les trucs, je ne donne jamais de trucs parce que les trucs, ça ne marche pas. Il faut toujours de l'entraînement. Comment arriver à dépasser certaines choses? Manipuler le manipulateur, ça veut dire simplement qu'un individu qui a à débouler un escalier, voyez-vous, c'est simple. Très simple. Tant que l'être humain est manipulable, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'instruire. S'instruisant, il rajoute dans ses structures astrales, amiques, au niveau de l'âme, des data, des données qui vont nécessairement pencher lors des manipulations. Plus on va vouloir s'informer, informer notre ego, plus on va vouloir mémoriser des données, plus on sera manipulable, dans un sens. C'est d'ailleurs à quoi sert des structures de cours, comme le programme Maître Contrôleur. Si vous, par exemple, vous décidez de ne pas être blessé en cas d'accident idiot, débouler un escalier, glisser sur la glace, etc., eh bien, vous vous programmez à vous mettre en santé. Vous programmez à faire du conditionnement physique. C'est une manipulation. La journée que vous allez tomber, vous ferez pas mal, par exemple. Mémoire d'intervention, c'est cela. Je me programme à connaître l'intelligence des choses. Quand on vient à des conférences, on se programme, on rajoute des données. Alors, à un moment donné, il y a un événement particulier qui nous tombe en plein visage, et à cause de toutes les données qu'on a rajoutées, on va être manipulé. Mais ces données-là pèsent dans la manipulation. On ne sera donc plus manipulable de la même façon. Alors, au lieu de broyer puis de crier, eh bien, on va peut-être trouver ça plus drôle, mais non, peut-être qu'on va réagir d'une façon plus intelligente à cause des données. Vous suivez un cours de dérapage contrôlé au niveau de la conduite automobile. Ce sont des données. La journée que votre automobile dérape, ces données-là vont vous manipuler. Et vous allez être capable d'éviter un accident. Se rajouter des données intelligentes, c'est de manipuler le manipulateur. On reste réactionnel, mais on devient hautement plus efficace. De quelle façon on peut arriver à faire ça? Programmer des mémoires d'intervention, s'arranger pour informer notre ego. J'appelle cela de l'instruction d'ego. L'instruction astrale, de façon à être capable de réagir. Je dis bien réagir, donc on reste manipulable, mais dans le sens où on veut aller. Alors, connaissons l'intelligence et informons-nous. Isométrisons notre cerveau. Arrivons à contrôler chaque petite partie de notre corps physique, même les cellules. Ce sont des programmations. La journée que vous avez un accident, vous restructurez votre corps physique. La journée que vous avez besoin de plus de matière cérébrale, vous êtes capable d'écrire deux lettres en même temps à deux individus différents. C'est très bien. L'être humain doit simplement informer son astral, informer son ego, entraîner son corps physique, devenir de l'élite. Avant l'intermission, tu disais qu'on devenait intelligent quand on décidait de s'associer. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je disais que lorsque l'être humain qui commence à avoir des bribes d'intelligence, mais qui devient frustrable parce qu'il a encore de l'ego, parce que l'ego est informé de sa vision d'intelligence, alors l'ego pense que c'est lui qui est intelligent, et que l'humain vient pour faire une chose, puis que ça tire du côté astral, mais qu'en même temps, ça tire du côté intelligent, ce qui fait qu'entre deux poignées pour sortir, entre deux portes pour sortir, tu prends le mur, parce que tu es attiré vers les deux en même temps, donc tu n'arrives plus à choisir une porte. Je dis que si les êtres humains qui commencent à avoir des bribes d'intelligence s'associent pour travailler ensemble, qu'est-ce que j'entends par s'associer? Bon, je ne veux pas donner des recettes comme ça. L'humain doit s'associer, c'est pas moi qui vais les associer. Il y a la Fraternité of Soul qui est une forme d'association. Il y a un égrégore PMC qui existe, qui est une forme d'association. Il y a n'importe quoi d'intelligent que vous pourriez trouver, qui est une forme d'association. Faites simplement, comme j'expliquais l'autre fois, achetez votre carte de membre d'Amnesty International. Déjà là, on pousse vers l'intelligence. Au niveau de Greenpeace, Paix Verte, on pousse vers l'intelligence. Au niveau de la fondation écologique qu'on a ici, qui est parrainée par un avocat, même chose, on pousse vers l'intelligence. Ce n'est pas nécessaire de travailler au niveau du centre, sauf que celui qui se conscientise aura intérêt à rencontrer des gens qui se conscientisent. C'est beaucoup moins. Ça envoie moins souvent aux toilettes. Souvent, j'ai des pensées très agressives envers des personnes avec qui j'ai eu de mauvaises relations. Je trouve ça fatigant, ça me fait souffrir. Que dois-je faire pour m'en débarrasser? Je ne sais pas si c'est des personnes ou des pensées. On revient encore à la formule plate que je donne souvent. Intelligence est donc la chose. Quand vous avez des conneries dans votre tête, eh bien, trouvez ce con. Puis à la longue, bien, à force de trouver ce con, ils ne sont plus là. Trouvez-vous pas con. Si vous trouvez que c'est con, c'est que vous êtes intelligent. Hein? Parce qu'il y a un qui est intelligent qui voit les choses connes. Alors, trouvez ce con. Forcez-vous pas trop. Trouvez ce con. Ça finit par s'en aller. C'est une formule qui marche, qui est très simple. Et vu qu'elle est simple et qu'elle marche, habituellement, on ne l'applique pas. Dans le film où un esprit agressait sexuellement une femme, pourquoi cette agression? Simplement parce que l'entité, ce n'est pas un esprit. L'entité qui agressait la personne est une entité qui était reliée à un canal du monde de la mort où il y avait déjà eu énormément de viols sexuels et de choses dans le genre. Et une entité où certains, constitués de mémoires de mort, là, extrêmement viriles, n'est-ce pas? Qui traîne sauvage par les cheveux quand ils n'ont pas ce qu'ils doivent. Alors, dans le film, eh bien, l'entité qui vient se nourrir de la femme arrive par l'ectoplasme même du corps physique de la femme, elle est trop sensible, à la posséder et à créer des jouissances pour le monde de la mort, de viol, et la femme servait de véhicule simplement, ça nourrissait une partie du monde de la mort. Dans ce cas-là, il aurait fallu simplement tout rénover la maison où elle vivait, déménager, ça l'aurait pu aider, changer son mode de vie, ou carrément exorciser la personne, c'est-à-dire prendre le canal et brancher sur un cochon. C'est pas un gars, là. Est-il bien de faire des voyages astraux? Si les voyages sont astrales, oui, ou astraux, oui. Quand ils sont désastraux, non. Je dis ça pour quelques personnes ici qui aiment le jeu de mots. Le voyage astral, c'est la même chose qu'un voyage avec le corps physique. C'est-à-dire que si je m'en vais visiter la Gaspésie avec mon corps physique, ça coûte plus cher. Mais ce que je vois est de l'illusion. Si je vais en voyage astral, ça coûte moins cher. Ce que je vois est de l'illusion. Alors, est-ce que c'est utile? Ben, ça dépend simplement de ce qu'on veut faire. Tout. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ça dans l'astral qu'on est plus puissant, ou etc. Le voyage astral, ce n'est pas un symptôme de l'évolution. C'est un symptôme de voyage astral. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme si Dieu et la lumière étaient deux choses différentes. Dieu a-t-il pu dire que Dieu soit et Dieu fut? Et quand dira-t-il que Dieu ne soit plus et Dieu ne sera plus? Bien, c'est exact. Comment prendre des vacances? Les vacances sont-elles pour le corps et la psychologie? Car l'ajusteur n'est jamais en vacances, lui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai besoin d'une colère mentale pour l'ajusteur, des vacances ou les deux? Comment expliquer le fait que je ne suis pas fatigué et que je n'arrête pas? toute personne qui a fait le PNC. Son ordinateur de pensée est de temps en temps branché dans le plan moronciel, donc nécessairement le ramasse de l'énergie vitale, ce qui la stimule et en même temps ne l'épuise pas. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il n'est pas expérimenté, de toute façon, prochainement, la personne ici, bon, Suzanne, PMC, alors de prochainement, je vais donner la dernière partie du séminaire sur l'ajusteur de pensée, qui est le jeu de la vie numéro 3, et puis elle aura donc toutes les réponses là. À quoi servira-t-il d'avoir le libre arbitre et de vaincre la mort? Comment s'appellera ou s'appelle le premier homme libre? À quoi servira-t-il d'avoir le libre arbitre et de vaincre la mort? Ça va servir de cesser de mourir. Et vous, présentement, on est dans une sphère absolument originale où on vit, on meurt, on vit, on meurt, on pète, on mange, on vit, on meurt, on s'amuse comme ça. Et tout cela, ça permet à un corps physique de s'améliorer, de s'améliorer, de s'améliorer, parce qu'on a une fonction, une mission. La mission, elle échappe totalement à celui qui l'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est en plein milieu du problème. Lorsqu'on aura réglé le problème, on saura, vous comprendrez pourquoi. Alors, à quoi ça sert? Ça sert. Comment s'appellera ou s'appelle le premier homme libre? Ça s'appellera un homme libre. La femme? Femme libre. La méditation est-elle utile pour l'homme transitif? La méditation est utile pour l'homme transitif, ça dépend encore des méditations. Il y a une méditation de caractère supramental qui existe sur le marché, qui est très bonne. Et la personne qui transite vraiment, la majorité des techniques ancestrales ne sont plus utiles pour elle. Une quantité, un certain nombre ne la nuira pas, d'autres vont lui nuire, mais de toute façon, les techniques ancestrales ne lui servent plus. Elle devra prendre des techniques qui sont nouvelles, adaptées à la personne transitive ou la personne qui est en phase de devenir une personne nouvelle. Si l'être devient complexe, il y a d'autres sortes de rencontres que d'ego à ego à combler, mais qui seraient juste pour l'amusement de la chose ou de l'évolution. Y a-t-il d'autres rencontres? Premièrement, ce ne sera pas pour l'amusement ou ces choses-là. S'il n'y a pas de raison intelligente de rencontrer quelqu'un, on ne rencontre pas personne. S'il y a une raison intelligente de rencontrer quelqu'un, on rencontre quelqu'un. L'humain a peur hein, quand je parle d'intelligence. Parce que l'humain est tellement pas intelligent qu'il se dit, ben oui, si je n'ai plus de raison émotive. Étant donné que je n'ai pas d'intelligence, je ne vois pas de raison intelligente. Alors je dis, pas de raison intelligente, je ne sais plus rien. Il me faut des raisons émotives. Quand vous serez suffisamment réchauffé, il y en aura en masse de raisons intelligentes de rencontrer quelqu'un. Oh, vous ne ferez plus l'amour comme vous le faites présentement. On fait l'amour pour avoir des petits. Ouais, quand c'est plus nécessaire. Tu ne fais plus l'amour. Je t'ai déjà entendu comparer ce qu'on faisait l'amour actuellement, comme manger l'écorce d'un pommier au lieu de manger la pomme. Je suis sûr qu'il ne l'aurait pas entendu. Je ne veux pas encore manger de pomme. Quelqu'un qui serait manipulé par une prise de possession pour une entité, ou une charge de magie noire. Comment savoir qu'on subit cela? Comment se rendre compte de ça? Tu passes le papier? Oui. Alors, comment savoir qu'on subit cela? Une entité qui nous possède, premièrement, 100% des humains sur la planète sont possédés par une entité qu'on appelle Lucifer. Une possession qui devient pathologique, par l'intelligence, ben, vous devenez un cave de la part des autres. Une possession qui est satanique, diabolique, qui est attribuable à une entité du monde de la mort, normalement, il y aura des symptômes physiques, des symptômes, des maladies très transitoires, c'est-à-dire des maladies qui vont apparaître, qui vont disparaître, un mal d'une jambe, on ne diagnostique rien, un problème ailleurs, etc. Ça peut être des symptômes. Magie noire, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un être humain qui bâtit un canal du monde de la mort vers un endroit particulier, les entités qu'il a besoin, et il connecte ça à l'âme de l'individu. Il la manipule par là. Entre autres, il y a des symptômes de ce genre surtout. Et si la personne, elle est catholique, elle aura nécessairement une problématique assez grandiose à pénétrer dans une église. Si elle est bouddhique, elle devra aller faire un tour dans une église bouddhique. Si elle est islamique, dans une mosquée. Elle aura de toute façon une réaction relativement intéressante par rapport à ce qu'elle fait là. C'est sûr que maintenant, je l'ai dit, la personne, elle peut se motiver à penser qu'elle a une réaction, et là, elle s'auto-possède. C'est comme ceux qui lisent des livres de dictionnaire médical. C'est pour ça qu'ils attrapent tout ce qu'il y a dedans. Ils tombent malades. C'est ça. À mesure qu'ils lisent, ils ont un symptôme. Quelle est la différence vécue qui renseigne sur laquelle est en question? Comment s'en débarrasser? Bon. Si c'est une possession de magie noire, la meilleure façon de s'en débarrasser, il faut vérifier, parce que de temps en temps, ce sont simplement des entités qui possèdent l'endroit où l'on vit, ou l'endroit où l'on travaille, ou qui possèdent des objets qui nous ont été donnés par quelqu'un d'autre, par nos parents souvent, par nos arrière-grands-parents, des choses qu'on trimballe depuis des générations. Ça, on met tout ça aux poubelles, on met le feu dedans, on s'en débarrasse. On déménage, on change, on prend en tout cas. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire. La première chose à faire, parce qu'avant de penser que la manipulation vient de l'extérieur, elle peut carrément habiter avec nous autres. Alors, nécessairement, en éliminant ces choses-là qui servent de paratonnerre, de condensateur et qui les attirent, en éliminant ça, on élimine aussi la problématique. Si la manipulation vient de l'extérieur, l'individu devra faire attention énormément à son alimentation, il devra manger beaucoup d'ail. Ça paraît très ancien ce que je dis là, mais les techniques sont anciennes alors, les solutions sont anciennes aussi. Elle devra s'arranger pour dessiner un sceau de Salomon, une croix de David en blanc sur chacune des sorties et des entrées de sa maison, toutes les fenêtres, les conduits d'aération, les portes, etc. C'est grégorement très intéressant. Elle devra de temps en temps faire brûler de l'encens, ce qui va remonter la vibration de la maison. Toute possession basse ne peut pas y résister. En pause, c'est ce qu'elle devrait faire. À l'exclusive condition qu'elle ne soit pas elle-même paranoïaque, donc qu'elle s'auto-possède, parce que le problème est à l'intérieur d'elle. Elle aura donc besoin d'un exorciste ou d'un psychiatre. Et à la condition aussi qu'elle n'habite pas avec les conneries, c'est-à-dire que si on barre toutes les fenêtres et que c'est un chandelier qui nous a été donné par quelqu'un qui est tout pogné, parce qu'il y a eu un meurtre en avant, ou il y a eu un viol en avant, ou n'importe quoi, ben nécessairement, on remplit un peu les problèmes, parce que tout ce qui était dans la maison, qui sortait aussi, ça devient clos. Par rapport à ces choses, ou ces les biens qu'on peut hériter de quelqu'un ici, on a une personne qui a eu un héritage, et puis tu as déjà entendu dire pendant une conférence de refuser un héritage d'une personne négative, sous prétexte de capter sa mauvaise énergie. Cette personne dit, moi, j'ai hérité d'une mère déprimée et déprimante et rien de néfaste ne m'est arrivé. Les enseignements que vous donnez me font terriblement peur, surtout que je dois hériter encore une fois. C'est pas drôle. Peut-on laver les choses à l'eau de Javel ou avec du sel ou les exposer au soleil? Combien de temps? Y a-t-il une recette pour se débarrasser? Lors de la conférence que j'expliquais, et on parlait de l'assujettissement karmique. La mère déprimante et déprimée ne ramasse pas de karma. Donc, nécessairement, ce qui est transmis par l'héritage ne ramasse pas de karma non plus. Et moi, je tue des gens, je ramasse de l'argent, je vole des gens, j'en envoie en faillite, je lègue ça à mes enfants. Mes enfants vont divorcer, ils vont avoir un paquet de problèmes dans la famille, ils vont avoir une chicane, une guerre, veux pas, ça ne marchera pas. Et moi, je suis un gars toujours malade, je lègue mon argent, ils ne viendront pas malades. On parlait de poids karmique. Donc, dans le cas ici de la personne, c'est évident qu'il n'arrive rien. Il n'y a rien à arriver. Sa mère n'a pas ramassé de karma dans la gestion de son argent. Les enseignements que vous donnez me font terriblement peur, surtout que je dois hériter encore une fois. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont hérité, et la majorité de ceux qui héritent, une grande partie, ce ne sont que des problèmes. Parce que ceux qui héritent étaient déjà entachés de problèmes. N'ayez pas peur. S'il y a eu des problèmes, refusez-le. Tu hérites de 5 000, tu refuses. Tu hérites de 5 millions, on va supporter le karma. Le karma est en valeur de l'argent que tu ramasses. Peut-on laver les choses à l'eau de Javel ou avec du sel, les exposer au soleil, et combien de temps? Effectivement, la majorité des choses exposées au soleil sont ionisées, donc normalement l'énergie vitale qui contient la mémoire va être transformée. Mais une chose intéressante maintenant, l'évolution étant ce qu'elle est, c'est qu'ils ont la place dans un micro-ondes, c'est les micro-ondisables, et bien ça règle le problème aussi. Ah ouais. C'est sur un bibelot métal, une bonne micro-ondes, là, le reste des choses, c'est bien. Ça veut dire que les objets, j'ai déjà entendu des choses comme ça, que acheter par exemple un objet dans un marché aux puces où ça peut porter des ondes qui sont néfastes et qu'on peut en souffrir ensuite sans savoir d'où ça vient, parce qu'on a ramassé deux, trois... L'humain va dire, ben oui ou non, on est rendu dans la superstition totale. Ah oui. Tout va bien chez vous, hein? Puis d'où ça fait que va mal. Mais on ne sait pas pourquoi. La couleur des murs, le linge qu'on porte, la manière qui t'es peigné, ou les objets que tu as ramassés, le bibidou de ta mère. Le cadeau que tu as eu. Tu es toujours coupable de faire quelque chose, mais tu as un objet de ta mère qui te check tout le temps. Oh, c'est facile de dire. Prends une affaire, puis débarrasse-toi-en, puis change tout aussi. Elle sait qu'à un moment donné, on déménage, on change de maison, et qu'on change de psychologie. On change de mobilier de salon de place, et que ça change de forme. Mais c'est ça. C'est pas de la superstition, ça marche. Alors, effectivement, quand on reçoit du linge d'autrui, quand on va acheter des choses usagées, tout ce qui est seconde main, normalement, on devrait s'organiser pour faire un bon nettoyage. Un nettoyage des ondes. L'eau est un grand conducteur, un capteur d'énergie vitale. Donc, normalement, laver à l'eau, ça l'aide déjà énormément. C'est pour ça que quand on sort d'un endroit où c'est totalement fou, si on prend une douche et que ça va bien après, c'est pas à cause de l'eau froide ou l'eau chaude. C'est parce que l'eau élimine toutes les perturbations. Puis si tu attends plusieurs heures avant de te laver, bien lentement, tu les absorbes. Alors, c'est sûr que c'est plus problématique. Alors, c'est pas de la superstition, ça marche chez mécanique. Si c'est un objet qui est petit, comme un jonc, par exemple, et que tu le jettes dans une rivière, ça devrait s'arrêter aussi. Oui. Ben, tu le reprends pas. Ouais. À moins qu'il y ait un poisson qui le mange, puis tu manges le poisson. Est-ce que l'éclairage halogène est plus bénéfique, plus spécialement pour lire? J'ai les yeux faibles. Merci. Bon, premièrement, la personne, ce qu'elle peut faire, c'est de toujours cacher la partie de la page du livre qu'elle ne lit pas, ou couvrir en opaque noir la partie qu'elle ne lit pas. C'est évident que l'éclairage halogène est extrêmement puissant. L'éclairage au néon, c'est ce qu'il y a de pire, alors on ne s'en sert pas. Ça dépend de beaucoup de conditions au niveau de la pièce, d'un paquet de choses. Combien d'heures après la mort doit-on se faire enterrer ou incinérer? Puis ben, quand vous êtes mort, vous, après 3 heures, vous dites à votre croque-mort de vous enterrer. S'il n'entend pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de problématique au niveau de cela, étant donné que le corps vital de l'homme est tellement, tellement évolué dans la majorité des cas, surtout au niveau du contexte nord-planétaire. Vous quittez votre corps physique, votre corps vital quitte votre corps physique dans les secondes, dans les minutes qui suivent, l'arrêt de la faculté qu'aura le corps physique de vous conserver. Alors, ce qui fait que même en cas d'incendie, vous brûlez dedans. Les parties les plus basses qui vous constituent vont sans doute être détruites par le feu. Les parties qui sont les plus intéressantes auront déjà disparu. Alors, il n'y a vraiment pas de problème. On peut mourir enseveli en paix. Si tu donnes tes organes, est-ce qu'à ce moment-là, on demande, puis-je avoir un retour karmique en donnant mes organes? Non. Par contre, l'individu qui reçoit tes organes reçoit ton karma. Comme donner ses yeux, ses reins, son foie, c'est problématique pour celui qui le reçoit, en autant que tu avais d'autres karmas. C'est problématique, c'est parce que tu prends son karma. Ça veut dire que si l'être humain est extrêmement bon, aimable, et tu vas, mettons que tu reçois son cœur et ses poumons, tu vas aussi devenir plus aimable, plus humain. Parce que l'autre t'habite, il se réincarne en même temps, il se réincarne dans ton corps. Celui qui donne ses organes a l'avantage de faire un pied de nez au monde de la mort parce qu'il se réincarne dans le receveur. Et c'est pourquoi les receveurs disent toujours, j'ai toujours l'impression qu'un tel m'habite aussi, qu'on vit ensemble, qu'on partage le corps. C'est exactement ça. Est-ce que c'est avantageux de donner ses organes? Est-ce d'abord c'est... Dans la majorité des cas, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si la personne qui reçoit des organes, c'est un alcoolique, c'est avantageux pour l'alcoolique. Cosmiquement, planétairement, c'est très avantageux. On force l'humanité à évoluer au complet. On devrait effectivement tous signer le papier puis donner nos organes, parce que là, on donne un beau petit coup de pouce à l'évolution de la race. Il y a aussi que tu vas rendre peut-être un enfant qui est aveugle, tu vas pouvoir lui permettre de voir. Peu importe tes yeux à toi, là. Un œil sera assez... Non, la cornée ou... Mais de toute manière, justement, écologiquement, c'est intelligent. Énergétiquement, c'est intelligent. Cosmiquement, c'est intelligent. C'est parfait. On devrait tous... Le seul problème qu'il peut y avoir, la seule merde, je le dis pareil, même si c'est anti-publicitaire, c'est qu'à un moment donné, vous arrivez, tu as un accident automobile, tu es viable, tu es dans un état critique. Et puis, il y a un enfant qui rentre à côté, qui est dans un état plus ou moins critique, où ça fait 2-3 semaines qu'on atteint un donneur. Arrête. Il y a des chances qu'on te déclare mort simplement parce qu'émotivement, on veut sauver l'enfant, alors qu'en réalité, on aurait pu te sauver tout de suite. Fait que là, tu donnes ta vie en même temps. C'est le problème de ça. Ouais. Le médecin, il y a une belle fille, puis il y a toi à côté. Elle a besoin d'un rein, puis toi, t'en as. Il peut te sauver, mais l'affaire qu'il y a, est-ce qu'ils vont faire la transplantation avant que tu sois mort? Ah, si c'était moi le médecin, je sais ce que je ferais. Alors, c'est une problématique qui existe, et c'est ça qui, astralement, fait peur à bien des gens. Les gens ne savent pas pourquoi ils ne signent pas leur don d'organes. Mais inconsciemment, dans le monde de la mort, ça s'est déjà fait. T'as un doute. Alors, inconsciemment, l'individu est relié à ces choses qui se sont déjà faites. Puis, il y a toujours un quelque chose qui fait que tu ne signes pas. Mais... Ouais. Tu peux donner juste tes yeux, au moins, si t'es pas mort. Tu pourras toujours faire lire des histoires vers quelqu'un d'autre. Est-ce que faire brûler des lampions chasse les mauvaises entités d'une maison? Faire brûler des lampions attire des entités... Mauvaise, moins mauvaise. L'encens aussi? Ça dépend de l'enfant. Quelle sorte l'encens d'enfant d'église bon? Attire des entités mauvaises, moins mauvaises. L'encens, par exemple, que tu prends dans les temples des disciples de Krishna attire des entités mauvaises, moins mauvaises. Alors, remarque que si tout va bien chez vous, tu attires des entités mauvaises. Donc, si tout va bien, tu es mieux de pas avoir d'enfant. Exact. Et si c'est de l'encens, en ce sens que c'est simplement du bois que tu ramasses, ou toi-même que tu le fabriques, parce que de l'encens, c'est quoi? L'encens a commencé, c'était inventé pour chasser les moustiques au Japon. Hein? J'ai volé des bâtons d'encens parce qu'il y a trop de maringouin. Bon. Et puis lentement, c'est rentré dans les temples encore, parce qu'on méditait pour faire, puis les moustiques nous ennuyaient. Puis lentement, les moines ont découvert que ça rehaussait aussi le taux vibratoire, c'est pour ça que les insectes n'aient pas. Alors, si on la fabrique nous-mêmes ou si on fait brûler de la résine d'épinette ou des choses comme ça, ben, ça crée une odeur intéressante. Puis là, nécessairement, tu n'attires rien, tu purifies la place. Donc, il existe donc des encens qui sont neutres. Oui. Puis les encens attachés à des caractères religieux sont les encens qui attirent les entités de la religion. Malgré qu'une personne qui évolue, c'est nécessairement négatif. Quelle différence y a-t-il entre l'antéchrist et l'antichrist? Et seriez-vous l'antichrist? En latin, anti, ante, veut dire la même chose, antérieur, avant. Quand on parle de l'antichrist, on parle de celui qui vient avant le Christ. Quand on parle de l'antéchrist, on parle de celui qui vient avant le Christ. Par la suite, dans des débâcles orales, on a commencé à discerner l'anti et l'anté. Celui qui vient avant et qui est bon et qui prépare le chemin, et l'anti qui vient et parle contre le Christ. Si le Nazaréen revient sur la planète, il sera le plus puissant des anti dans le sens contre Christ. Parce qu'il sera anti l'image que l'humanité se fait de lui. Imaginez que vous venez sur une planète, quelque part, une planète paranoïaque, perdue dans le cosmos. Non seulement on vous donne un paquet de conneries, on vous explique que vous n'êtes pas ce que vous dites, vous prenez pour un autre, et finalement on vous tape dedans, on vous crucifie. Pour venir 2-3 minutes après, la seule chose qu'on sait, rappelez-vous, c'est la crucifixion. Ben, ça se dit. Ah, vous aimeriez pas ça. C'est quoi l'image du Christ? Du gars qui broye sur une croix, qui saigne, qui est mort pour nous autres. C'est ça que vous allez... Vous venez sur la planète après 2000 ans, puis tous les messages que vous avez laissés, ont été mémorisés dans la seule connerie que l'humain a faite à travers cela, votre crucifixion. Et vous allez revenir en disant, ben oui, continuez à adorer le gars qui saigne, c'est un bout de bois. Mais laissez faire le aimez-vous les uns les autres. Continuez à adorer ce que vous avez fait. Et après ça, l'humain s'étonnera de concevoir que tous les messages nazaréens n'ont servi à rien, parce que l'égrégore qui l'a conservé est un égrégore de souffrance, de martyr. Pourquoi? Parce qu'on n'adore pas le Dieu qui est venu sur la planète. On adore l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Alors, l'antichrist, c'est l'anti-image diabolique que toutes les religions ont faite du Christ. Ce n'est pas ça, le Christ. Le Christ libère l'homme. Il ne l'assujettit pas comme des moutons à lui. Mais les égrégores qui sont restés suite à Pierre font cela. Quelle différence y a-t-il entre l'antéchrist et l'antichrist? Les deux viennent avant, les deux seront contre l'image. Pas contre l'énergie christique, appelée énergie supramentale, appelée intelligence. C'est juste de ça que je parle. Seriez-vous l'antichrist? Je suis de toute façon un tueur d'armes. Les voyages astrales peuvent-ils réellement représenter un risque en tant qu'être physique? Lorsqu'un voyage astral est extrêmement conscientisé, il y a différents niveaux d'extra-conscientisation astrale, appelés voyages astrales. Lorsque le voyage astral est extrêmement conscientisé, oui, il y a des problématiques au niveau du corps physique. Si vous faites un voyage astral dans les basses sphères du monde de la mort, eh bien, il y a ça, on appelle ça des cauchemars. Nécessairement, votre corps physique va commencer à sécréter au niveau hormonal et vous allez vivre, le corps physique va vivre l'événement exactement comme si vous le viviez réellement. Une personne qui est jeune, ce n'est pas un problème. Ah, il transpire dans son lit, il se promène, il tombe peut-être en bas. Une personne âgée peut simplement mourir. Elle peut faire une crise de cœur, elle peut avoir différents problèmes. Au niveau des voyages astrales par projection dans la réalité réelle, donc dans le monde actuel où nous sommes, traverser des lignes à haute tension, des réacteurs nucléaires, des incendies majeurs, ça peut endommager quelque peu le corps vital de l'individu et il peut donc se ramasser malade après un laps de temps. Mais là, on parle encore une fois d'un voyage dans la conscience, dans les annales akashiques de notre monde. Peut-on dire qu'on appelle libre arbitre, c'est qu'on a la liberté d'agir selon les désirs de l'ego? On a la liberté d'agir selon les désirs de l'ego et l'ego n'a des désirs qu'à partir de ses mémoires. Donc, en partant, on n'a aucune liberté. L'ego désir, qu'est-ce que c'est? Si vous seriez venu au monde avec la peau noire, vous ne pourriez pas haïr les noirs. Simple. Mais l'ego a appris qu'il était noir, puis l'ego a appris que, bon, parce qu'on apprend à être blanc, bien là, on peut plus facilement haïr les noirs, ou les jaunes, ou les rouges, ou d'autres races. Si les hommes seraient venus au monde dans des corps de femmes, bien, il y aurait un ego qui aurait appris à être dans un corps de femmes, puis les hommes, bien, ils ne seraient pas sexistes, hein, ils seraient des femmes. Alors, ils trouveraient que la femme, elle doit se libérer, elle est l'égale de l'homme, c'est pareil. Fait que finalement, ça reste une manipulation. Ça dépend de ce qu'on va vous donner comme instruction lorsque vous êtes jeune. Ça dépend de ce que vos parents vont vous léguer du point de vue réincarnationnel. Ça dépend de votre corps physique. Ça dépend de ces choses-là. Avoir de l'argent revient-il à posséder l'énergie d'autrui? Avoir de l'argent revient à posséder l'énergie qui traîne. Ramassez-la. Oui. Est-ce que la colère mentale débouche sur le libre arbitre? Quand la mentale permet à l'ego d'avoir une autorité mentale dans l'astral, ça permet l'énergisation d'un corps mental. Le corps mental, c'est la seule chose qui rentre en contact avec le canal, l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée vient démolir l'ego, à égoïser l'homme, et nécessairement, on parvient par la suite à avoir un libre arbitre. La colère mentale, c'est une manipulation de manipulateur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une colère mentale pour tasser ce qui nous manipule pour avoir un repos ou un break temporaire, eh bien, c'est une manipulation. On est manipulé, on est tellement tanné qu'on fait ça. Mais on manipule le manipulateur. C'est une forme de libre-arbitre à travers ce qui est restreint. Est-il réellement possible de structurer une démarche vers le libre-arbitre pour le moyen terme? Par quoi commence-t-on? Oui, c'est possible. On commence par continuer à faire ce qu'on a commencé. Peut-il y avoir libre-arbitre sans préméditation? Comment savoir si on l'a eu? On ne l'a pas eu. Comment un surplus d'informations, type conférences, séminaires, mène-t-il au libre-arbitre? Tout à l'heure, j'expliquais qu'on informait notre ego. Donc, lentement, si on s'instruit vers quelque chose d'intelligent, qui semble intelligent, qui nous plaît vers l'intelligence, on met du poids du côté de l'intelligence, ce qui fait que quand la corde d'intelligence va nous tirer, lentement, le libre-arbitre va venir quand on aura un contact total avec notre intelligence, quand on sera centré dedans. Plus on instruit l'ego de certaines choses, plus nos manipulations se font en fonction. À force d'être instruit que la pollution était mauvaise, on finit par faire attention. On est manipulé, et dans le bon sens. Alors, lorsqu'on s'instruit, conférence, séminaire ou autre chose, on amène suffisamment d'informations à l'ego qui mettent du poids du côté où on doit aller, où on va, et nécessairement, lentement, on finit par être manipulé dans le bon sens, ce qui nous amène droit à notre liberté. Répondu à cette question-là aussi. Comment savoir laquelle des ficelles m'attire à prendre le séminaire? Normalement, les deux ficelles tirent pour qu'une personne fasse un séminaire. Alors, la moitié paye, l'autre partie, l'autre moitié paye, l'autre partie. Dans le séminaire, les deux font la partie. Il y en a une qui transpire, qui tremble, des fois qui pleure, des fois